Sudec Web. Sudec Web, il est 16h, l'heure de l'art média. Sudec Web, les infos. Le flash présenté par Tony Boulanger. Bonjour Tony. Bonjour Alice, bonjour à tous. Édouard Philippe tient actuellement un discours devant les députés. Une allocution qui se déroule suite aux mesures annoncées. L'objectif, tenter de mettre un terme à la crise politique. Le Premier ministre se prononce sur la fiscalité écologique et ses conséquences sur le pouvoir d'achat. Il vient d'annoncer que le gouvernement renoncera à la hausse des taxes carburant s'il ne trouve pas de bonne solution au bout de 6 mois de négociations. Réaction d'Emmanuel Macron ce matin concernant les mobilisations qui se dérouleront samedi. Il appelle les forces politiques, syndicales et au patronat de lancer un appel clair et explicite au calme. Une réaction relayée par Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Anne Hidalgo, la maire de Paris, ne veut pas qu'on interdise les manifestations qui se dérouleront samedi. Elle invite le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à ne pas empêcher les rassemblements dans la capitale. Les Gilets jaunes devraient se mobiliser. Une marche mondiale pour le climat est organisée. Après la manifestation violente de samedi dernier, 13 personnes sont mises en examen après le pillage de l'Arc de Triomphe. Les casseurs ont dégradé et volé des objets de valeur exposés dans le monument parisien. Un professeur a été tué devant l'université Léonard de Vinci à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. L'homme a été assassiné de plusieurs coups de couteau. Un suspect a été interpellé, il s'agirait de son ancien élève. Émotion ce matin à Marseille, après l'effondrement de 2 immeubles qui ont tué 8 personnes il y a un mois. 150 individus se sont réunis pour rendre hommage aux victimes du drame. Ils ont observé 8 minutes de silence. Violent séisme de magnitude 7,5 aujourd'hui au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie. Les autorités appellent les habitants à évacuer une partie du littoral. Le centre d'alerte au tsunami met en garde la population contre des vagues pouvant aller jusqu'à 3 mètres. Elles se situent dans les 1000 km de l'épicentre du tremblement de terre. Les néo-calédoniens ont reçu des textos leur demandant de se mettre à l'abri. En sport, c'est la fin de la 16e journée de Ligue 1. Paris affrontera Strasbourg. La saison dernière, les Strasbourgeois étaient les seuls de la compétition à avoir battu les hommes de Thomas Tourelle. Les Parisiens joueront à l'extérieur au stade de la Méno ce soir à 21h. Côté météo, à l'ouest du pays, le ciel est pluvieux. À l'est, quelques éclaircies feront leur apparition. Les températures se situent entre 8 et 18 degrés. Il fait 16 degrés à Marseille, 13 degrés à Nantes, 8 degrés à Strasbourg et 11 degrés à Rouen. Tout de suite, retrouvez l'heure média présentée par Alice et toute son équipe. Merci Tony Boulanger. Prochain rendez-vous avec l'information dans le flash de 16h20. La Commission nationale ne s'est pas opposée à la diffusion de l'émission que vous allez voir. 16h-17h. Radio Ganaswinda, bonjour. Alice. Mehdi. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. L'heure média, c'est de 16h à 17h sur Sudeco. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure média, votre rendez-vous média du lundi au jeudi entre 16h et 17h sur Sudec Web. Info, scoop, buzz, débat, l'actualité n'aura plus aucun secret pour vous. Mais dans cette merveilleuse aventure qu'est l'heure média, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Mehdi Mansouri. Bonjour Mehdi. Bonjour Alice, comment vas-tu? Écoute, très bien. Merci. Bon bah parfait, bah écoute, on va décrypter l'actu média ensemble durant cette heure de bonheur. Tout à fait Mehdi, et je suis également accompagnée de notre expert média du jour, Daniel Giacomella. Bonjour Daniel. Bonjour Alice, bonjour Mehdi. Et à la technique, Alan Lucas et Florian Pro. À la télé, ce soir, on vous fait part de notre sélection coup de cœur. Une année, un média, qui aura aujourd'hui une sonorité rock'n'roll, puisqu'on parlera de l'émission Taratata. On va jouer avec le c'est qui c'est quoi. Mehdi et Daniel vont devoir deviner qui est la personnalité qui se cache derrière une voix masquée. Chez vous, vous pourrez aussi bien entendu participer en devinant à qui appartient cette mystérieuse voix via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, avec le hashtag Tudec1617. Mais celui qui ouvre le bal, c'est le d'accord, pas d'accord. Le sujet du jour portera sur l'émission Miss France qui se rapproche à grands pas. Mais juste avant ça, on écoute DJ Snake Taki Taki sur Sudec Web. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki Taki, Taki Taki rum. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le pares. pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wizard boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumbo. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumbo. Vous écoutez l'heure média sur Studek Web. Les avis s'opposent dans le d'accord pas d'accord sur Studek Web. Le d'accord pas d'accord, on y arrive. Alors le 15 décembre prochain aura lieu la 89e édition de Miss France sur TF1. Miss France qui, je le rappelle au cas où, est un concours de beauté féminin. Et à la fin de ce concours, le public élit parmi une vingtaine de candidates celle qui sera désignée comme étant la plus belle femme de France. Qu'est-ce que vous en pensez, Mehdi, Daniel? Vous êtes pour, vous êtes contre? Mehdi, on commence par toi. Eh ben moi je suis pas d'accord, parce qu'en fait le fait de voir uniquement des femmes défiler et être jugées sur des critères purement physiques, parce qu'intellectuel, c'est quand même très peu représenté. Ça va totalement à l'encontre des principes de la société actuelle, voulant l'égalité homme-femme. On a eu il y a pas longtemps sur Twitter le buzz de balance ton porc par rapport aux attouchements sexuels, etc. Enfin, toutes les polémiques. Et pour moi, en fait, bah ça, Miss France, c'est purement du sexisme. On devrait mettre à l'honneur peut-être par exemple aussi des garçons. Pourquoi c'est que des femmes? C'est la question aujourd'hui que je me pose, et je me dis que bah en fait, ça a pas de légitimité à la télévision aujourd'hui. Accord le Mister France, donc pour Mehdi. Pourquoi pas? Et toi, et vous Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Parité. Alors moi je vais un peu plus nuancer le propos, c'est-à-dire que bah, je trouve pas ça spécialement dégradant en fait, qu'on mette en avant le physique des femmes. Enfin, personnellement je trouve pas ça dégradant. Et ensuite, faut pas oublier une chose, c'est qu'aussi elles se servent de la notoriété qui est acquise à l'issue du concours pour défendre des associations. Elles se servent vraiment de leur image pour la bonne cause et dénoncer des choses. Et je comprends aussi tout à fait le côté que depuis le phénomène MeToo qu'on dénonce tous les actes de sexisme et compagnie, mais pour moi Miss France vraiment ça n'en fait pas partie. Alors moi par contre, là tu disais qu'elles servaient de leur image pour représenter des associations. Au cours de l'année, on les voit pas du tout dans les médias. La Miss France dans l'année, on la voit pas, on la voit que au mois de décembre pour l'élection. Le reste de l'année, on n'entend pas parler, hein. Alors ça veut pas dire qu'elles font rien, parce que il y a peut-être des plus petits médias qui en parlent mine de rien, parce que elles vont dans les hôpitaux, elles vont voir les enfants, elles parlent d'associations de récolte de vêtements pour les plus démunis. C'est peut-être des choses qui sont pas médiatisées, mais ça veut pas dire qu'elles existent pas. Ouais, pour moi, je pense que c'est pas utile du coup, vu que même si elles aident, pourquoi on est obligé de donner une personne à représenter pour aider des associations, etc. Pourquoi on est obligé de créer un mouvement comme ça où c'est que des femmes qu'on juge sur des critères physiques pour aider des associations? Voilà, je vais rebondir sur le côté où c'est que des femmes. Enfin, oui, je trouve ça aussi dommage qu'il y ait pas des hommes. Je pourrais tout à fait représenter le concours Monsieur France 2018 ou pourquoi pas 2019 si tout se passe bien. Mais oui, ça c'est dommage, c'est vrai. Pourquoi que les femmes? C'est une vraie question. Oui, surtout que bah maintenant on voit les polémiques que ça fait quand il y a une agression, quand il y a un commentaire qui peut être un peu, on va dire, mal dit. Par exemple, il y avait Tex il y a quelques temps qui avait fait une blague assez sexiste. Et ben, ça avait provoqué des émois. Et Miss France, je ne comprends pas que ça provoque pas, une, on va dire, un engouement sur les réseaux sociaux, même en dehors. Le débat est terminé. Merci, messieurs. Je ne serais pas contre non plus, contre un Mister France. Ah, Alice est intéressée. Tout à fait. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Studec1617. Le d'accord, pas d'accord, débouille, ça continue donc sur Facebook. À suivre le journal des médias. On parlera foot, on parlera gilets jaunes, mais avant ça, c'est Dame Civile sur Studec Web. Merci d'être avec nous. C'était pas Maya l'abeille qu'on vient d'entendre ? Non, mais dis, c'était Maya tout court. Le titre, c'est Maya tout court. Alors, juste Alice, avant de commencer le journal des médias, est-ce que tu savais qu'aujourd'hui c'était la journée mondiale du bénévolat? Ah non, mais je ne savais pas. Et en fait, ça m'a fait penser par rapport à notre débat qu'on vient d'avoir dans le D'accord, pas d'accord, qui doit continuer sur les réseaux sociaux. Tu nous en parles un peu tout à l'heure, Alice. Mais en gros, tu parlais que les Miss France représentaient les associations. Et du coup, c'est leur journée aujourd'hui. Alors, ça peut être leur journée, mais pas que. Hein. Il y a toutes les petites associations qui peuvent se faire voir. Et puis, nous aussi, on peut en parler si vous en avez une à. Alors, vu qu'elles sont pas encore élues Miss France, je suis pas sûre que c'est maintenant qu'elles doivent aller voir les associations. Je pense que c'est celle qui est élue après qui se déplace. Mais je sais pas si les candidates présélectionnées vont voir les associations. Faut se renseigner. Je vous avoue que là, ça me pose une colle. Eh ben, écoute, on verra bien. on verra tout ça le 15 décembre. Vous écoutez Sudekweb, c'est l'heure média et c'est aussi l'heure du journal des médias. Avis aux fans de foot, la Ligue de football professionnel a dévoilé les résultats de l'appel à candidature pour les droits audiovisuels de la Domino's Ligue 2 pour la période 2020-2024. Les droits de diffusion de la Ligue 2 sont raflés une nouvelle fois par Mediapro à partir de 2020. Le lot 1, qui comprend 8 matchs en direct par journée diffusés le samedi à 19h et un magazine Le Tour des Stades le samedi à 18h, a été attribué à Mediapro. Le lot 2, qui comprend un match en direct par journée diffusé le samedi à 15h, les 4 matchs de barrage, les 2 matchs de play-off, un magazine le samedi matin et un magazine le dimanche matin, a été attribué à Beansport. Le lot 3, qui comprend un match en direct par journée diffusé le lundi à 20h45 et un magazine d'après-match le lundi soir, a été attribué aussi à Beansport. Le lot 4, qui inclut les magazines du mardi au vendredi, a été attribué à Mediapro. Voilà, donc vous l'aurez compris, ce sont Beansport et Mediapro qui ont le monopole total de la Ligue 2 l'année prochaine. Après le record d'audience fait par le spécial Morandini Live de dimanche, il a réitéré avec une nouvelle émission spéciale hier matin sur CNews et Non-Stop People, une émission spéciale dédiée aux Gilets jaunes, dont le but était de comprendre, décrypter et dialoguer avec certains d'entre eux. On a eu un retour en images sur des scènes de guérilla urbaine, des affrontements, des violences ou encore des feux qui ont fait rage samedi lors de la mobilisation des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Les scènes ont été quand même d'une extrême violence. Le magazine américain Outside arrive en France en version numérique payante dès janvier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine qui est dédié à l'actualité outdoor, donc à savoir les voyages, l'environnement, les sciences, la santé. Il proposera des reportages, des interviews et des enquêtes exclusives de la version américaine. Un point sur les réseaux sociaux, vous avez réagi au d'accord, pas d'accord avec le hashtag Studec1617 comme Mathilde de Sergi Pontoise qui nous dit « J'ai tellement hâte de regarder Miss France le 15 décembre, j'en peux plus attendre. » Bah écoute Mathilde, moi aussi j'ai hâte. Vous pouvez réagir aussi à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Studec1617. Mais d'abord, on va faire d'abord un point sur les audiences, Alice. Comment ça s'est passé hier soir à la télé? Oh, pardon, les audiences. Mais oui, mais oui. Oh là là, j'ai failli oublier les audiences. Ah bah, faut me dire. Bah, on te le dit. Où est la tête ce matin? Ah bah, excuse-moi. Je vais vous le dire. Du côté des audiences, hier en première partie de soirée, c'est Canteloup qui s'est imposé avec pratiquement 5 millions de téléspectateurs. En revanche, toujours sur TF1 pour la deuxième partie de soirée, les Chamois ont réalisé une contre-performance avec moins de 12% de part d'audience. De son côté, avec Scène de ménage, a réuni 4,77 millions de Français. La série phare de la sixième chaîne signe en plus de ça sa meilleure performance depuis 2 ans. Puis pour la deuxième partie de soirée, la sixième chaîne bonne deuxième. Avec La France a un incroyable talent, elle a réuni plus de 3 millions de personnes. France 2, de son côté, a monopolisé les audiences de la deuxième partie de soirée avec 26,2%, soit plus de 5,5 millions de téléspectateurs. Et ça, bah, c'est grâce avec Rendez-vous en Terre Inconnue. Et c'était d'ailleurs la dernière de Frédéric Lopez, hein, qui était à la présentation depuis 2004, soit 14 ans. Il cède sa place à Raphaël Casabianca. Puis côté TNT, rapidement, Arte s'est hissé à la quatrième place avec un thème qui fait écho à l'actualité. On en parlait avec les Gilets jaunes. Le documentaire Coup de poker sur l'essence de la chaîne franco-allemande a fait 3,3%. C8, de son côté, a réuni 4% de la part d'audience avec Acts of Violence. Et ensuite, c'est 600 000 personnes qui ont regardé Heidi sur France 4. Bah, moi, je sais que j'ai regardé Rendez-vous en Terre Inconnue hier soir et c'était fantastique. Hein. C'était une émission. T'as regardé, toi, Alice? Non, moi, j'ai pas regardé. Hier soir, j'étais pas dans ma télé. Ah bon, bah, malheureusement, mais en tout cas, si tes spectateurs ont regardé, Thomas Pesquet était unique dans cette émission. Puis très émouvant, la dernière de Frédéric Lopez. C'est une très très belle émission et la prochaine fois, je la regarderai. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. Yeah.

nigga bracket. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cars. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Now she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look like what you got. Studek Web, c'est l'heure média jusqu'à 17h. Mercredi, ciné. Vive le cinéma! Qui dit mercredi dit ciné, Mehdi. Et oui, voici mes coups de cœur des sorties ciné de ce mercredi 5 décembre. On commence avec un film d'animation. Nous allons voyager en Gaule, là où un petit village irréductible gaulois résiste à l'envahisseur romain. Tatis, vous avez très certainement reconnu Astérix qui revient au cinéma pour de nouvelles aventures. Ça s'appelle Astérix, le secret de la potion magique. Et dans cette aventure, le druide Panoramix fait une chute lors d'une cueillette de gui et décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Alors accompagné d'Astérix et d'Obélix, sans oublier le petit chien Idéfix, il entreprend de parcourir le monde des Gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. Bande annonce. Pas une fois je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier. Quoi ? Catastrophe, Obélix. Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main ? Panoramix. Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés? Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches? La petite fichette maison. Impeccable, impeccable. On note le retour de Christian Clavier qui prête sa voix à Astérix. C'est réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier. Et c'est un film à voir pour les petits et bien évidemment pour les grands, avec un retour en enfance garanti. Le second coup de cœur, c'est pour une comédie dramatique. Ça s'appelle Pupi. Et c'est avec Gilles Lelouch dans le rôle de Jean et Sandrine Kimberlin qui interprète le rôle de Karine. Le pitch, le petit Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance suite à un accouchement sous X. Il faut savoir que la mère a 2 mois pour revenir sur sa décision en cas d'accouchement sous X ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service d'adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter, ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptive. Elle s'appelle Alice, interprétée par Élodie Boucher, et cela fait 10 ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. Pupille, au final, c'est l'histoire d'une rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, 3 mois. Voici un aperçu. Moi, ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir l'envisager. D'accord. Enfin, d'accepter que j'aurai jamais d'enfant à moi. C'est peut-être pas la peine de le mettre dans votre rapport. Un bon candidat à l'adoption, c'est pas quelqu'un qui a rien vécu de douloureux. Dans la vie, on a tous des champs de mine et des champs de fleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez réussi à déminer votre champ. C'est un petit garçon. Vous voulez le voir ? Bonjour, je suis assistante sociale. Je veux pas le garder. Je vous appelle parce qu'on va sûrement avoir un petit pupille à accueillir. Probablement demain. Vous seriez dispo ? On m'a proposé de faire un accueil aujourd'hui. Je dis non, parce que je crois que j'ai envie d'arrêter. Il y a quel âge ? Il y a 1 jour. Un film touchant et à ne pas manquer, Gilles Lelouch est exceptionnel dans son rôle. Et retrouvez Astérix, le secret de la potion magique et pupille au cinéma dès aujourd'hui. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne au cinéma Astérix et Obélix. Vraiment, je suis curieuse. Vous pouvez continuer à réagir à l'émission avec le hashtag Studek1617. À venir, le c'est qui c'est quoi. Dans quelques instants, restez avec nous. Du lundi au jeudi, retrouvez l'équipe de GPS sur Studacweb de 17 à 18h. Baptiste, Stéphane et Bilal vous guident où que vous soyez. Vous sortez du boulot, vous êtes sur la route, dans les bouchons, dans les transports en commun. Ils vous informent des conditions de circulation, le tout dans la joie, la musique et la bonne humeur. Ils ont aussi beaucoup d'humour, c'est vraiment une bonne équipe. Pour écouter le GPS, vous branchez sur Studacweb entre 17h et 18h. Maintenant, c'est l'heure... Saurez-vous retrouver l'animateur et son émission ? Le C'est qui, c'est quoi sur Studacweb. Mon petit jeu, le C'est qui, c'est quoi. Je rappelle les règles à tout le monde. J'ai choisi un extrait d'une phrase d'un animateur qui a été déformé par l'équipe technique. Sinon, c'est trop facile. Hein. Et vous, Mehdi et Daniel, vous devez trouver de qui il s'agit. On va tenter d'aventure. Tentez. Et vous aussi chez vous ou dans la voiture, vous pouvez vous amuser à deviner. Vous êtes prêts les garçons? Juste avant, il y a quoi à gagner? Il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le plaisir du jeu. Il y a quoi à perdre alors? Il n'y a rien à perdre. L'honneur, y a bon, l'honneur bon. Monsieur Daniel, on perd l'honneur. Oh, dis donc, tout de suite, il y aura un gage pour le perdant, allez, on fait ça. Très bien, bah, pendant l'extrait, j'aurai le temps d'y réfléchir. Ah, ça marche, vas-y. On lance le premier extrait? J'ai peur. Je ne suis pas très visuel, je ne vais pas mentir. Faut pas m'emmener voir un spectacle visuel ou même muet. Je suis avant tout quand même quelqu'un qui aime le texte, donc pas sûr que je sois le bon client pour ça. C'est très facile. Tu l'as? Ouais. C'est Jean Rochefort. C'est très facile. Alors, c'est pas Jean Rochefort. Moi, je reconnais un petit peu. J'en connais un qui a très peur d'avoir un gage. Il y a une patate chaude dans la bouche, mais c'est pas Jean Rochefort. Ah, moi, je sais pas. Je pense un deuxième extrait, ça pourrait être utile, là, tu vois. Un deuxième extrait, Daniel, vous pensiez savoir, mais vous ne savez pas? Bah, visiblement. D'accord, c'est parti pour le deuxième extrait. Je suis pas très visuel, je vais pas mentir. Faut pas m'emmener voir un spectacle visuel ou même muet. Je suis avant tout quand même quelqu'un qui aime le texte, donc pas sûr que je sois le bon client pour ça. Tu l'as, Daniel? Ah non. Moi, je l'ai parce que je sais qu'il est propriétaire d'un théâtre. Il est sur RTL l'après-midi pour Les Grosses Têtes. Il fait aussi une émission sur France 2 en deuxième partie de soirée, s'appelle On n'est pas couché. C'est Laurent Ruquier. Bravo, Mehdi. Ouais, j'ai gagné. Il a trouvé. Bon, Daniel, j'avais pensé à un gage pour toi. Le gage. J'avais pensé pendant ce petit extrait à peut-être un petit flash info avec l'accent belge, le prochain. Non, mais je suis pas une méchante fille. On aurait pu le tenter, hein, quoique ça aurait pu être amusant. Tout de suite, on écoute Thérapie Taxi. Ce soir, c'est sûr, elle est conquise. Papier, ciseaux, avec ta zouze. Entre en solo, c'est moi qui tease. J'arrive dans la pièce, t'es en susu. Ta meuf est trop bonne et j'ai trop bu. Jean, cocktail et costume bleu. Regarde amour, regarde feu. Tu paniques, t'es en nage et t'es perdu. Elle a lâché ta main dès qu'elle m'a vu. Luxe, hôtel, chambre sur mer. Je vis dans ses rêves, loin de ton cœur. Ta meuf est trop douce, j'ai son nectar. J'ai senti la coco, c'était trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. La gourmande se voit dans ses deux yeux. Elle passe encore une main dans ses cheveux. Tu parles encore de toi, tu la saoules. Tu peux dire adieu à son boule. N'est pas le seul, fais-moi la bise. Ce soir c'est sûr, elle est conquise. Ma bouche à ses lèvres, je rêve de ça toute la nuit. Ses ondes dans mon dos, j'ai suivi toutes ses envies. Elle monte dans la fièvre, j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre, j'ai cramé tous ses rêves. J'arrive dans la pièce, tu l'as perdu. J'étais dans la chambre et t'as rien vu. Puis j'ai vu ta goutte toute fraîche. Capter le balancement de ses fesses. Ta meuf sera ma queen pour une nuit. Je vais la gâter fort dans le lit. Comme une aventure où t'es pas là. Comme un plan à trois, un peu sans toi. Ta meuf est trop douce, c'est son état. J'ai senti la coco, c'est trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. J'enlève sa culotte avant l'excès. Elle est déjà trempée, elle a plus de pieds. On t'a encore perdu dans la foule. Si tu l'entends crier, c'est qu'elle mouille. Papier, ciseaux, avec ta zouze. Entre en solo, c'est moi qui tease. Ma bouche à ses lèvres, je rêve de ça toute la nuit. Ses ondes dans mon dos, j'ai suivi toutes ses envies. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle s'amuse, c'est sûr, tout doux avec moi. Laisse-la un peu toute nue dans mes bras. Elle me dit qu'elle n'a jamais fait ça. Je lui souris, lui montre la voie. À deux, l'amour se fera sans toi. À deux, ta zou salira les draps. À deux, l'amour se fera sans toi. À deux, ta zou salira les draps. Elle monte dans la fière, j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fière, j'ai cramé tous ses rêves. C'était Thérapie Taxi sur Sudac Web. Vous pourrez les retrouver au festival Garo Rock qui se tiendra du 27 au 30 juin à Maramande. Mehdi, aujourd'hui tu mets à l'honneur une émission musicale mythique. Une année, un média. Eh oui, une année, un média, et on va partir en 1993 pour... Ah. Taratata, on vient d'entendre le générique qui, au passage, a été composé par Jean-Jacques Goldman. Une émission de divertissement créée par Nagui et Gérard Pulicino. Le premier numéro est diffusé le 10 janvier 1993. Le principe de l'émission, eh ben, c'est de faire connaître ou reconnaître des artistes rock. Pour cela, ces artistes sont invités à jouer un des titres ou une reprise en direct, seul ou en duo ou avec un autre artiste. Tiens, vous savez pourquoi cette émission est nommée Taratata autour de la table ou pas du tout? Alors, pas aucune du idée. Tout. Aucune idée. Eh bien, je vais vous dire, ça vient d'une onomatopée destinée initialement onomatopée. À... Onomatopée, oui, c'est ce que je viens de dire. T'as dit onomatopée. Ah, excuse-moi, tu fais bien de me corriger. Tu fais bien de me corriger. Une onomatopée est destinée initialement à imiter le bruit de la trompette, plus exactement du latin taratantara. Taratata, bah, c'est surtout des lives, comme celui d'Alicia Keys en 2012, lors de la 441e émission. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the un piano-voix unique dans lequel elle interprète un de ses plus grands succès, If I Ain't Got You. Mais Taratata, bah c'est aussi des interviews comme celle entre Nagui et les artistes avec Mika. C'était en 2012. Et du bruit pour Mika. Et c'est là pour ouvrir cette saison de Taratata sur France 2 avec Europe 1. Je t'en prie, installe-toi. Et repose-toi et respire. Je présente... ce nouvel album, donc vous avez entendu trois extraits, le nouvel album de Mika, Origin of Love. C'est à la fois le titre d'ailleurs de l'album et de la chanson qui était coincée entre Elle me dit et Celebrate. Merci d'avoir créé ce medley pour Taratata pour ouvrir cette saison. Merci de reprendre ton souffle parce que c'est fort, hein. Même en concert, tu peux t'arrêter entre des chansons, là. Comme d'habitude dans les interviews avec toi, je suis complètement un peu un désordre. L'émission est toujours diffusée sur France 2 malgré un petit arrêt entre mai 2013 et septembre 2015. Et elle est renommée maintenant en Taratata 100% live. De cette chronique, je n'entendrai que la voix d'Alicia Keys, mon Dieu, et elle fait un bien fou à mes oreilles. Studec Web, les infos. Tout de suite, le flash avec Daniel Giacomella. Ah non, ce n'est pas Daniel. C'est, pas moi. C'est moi. J'ai un problème. C'est Tony, je crois. Oui, Tony Bélanger. Oui, pardon, bonjour, Tony bonjour à tous. Bonjour Alice. Monsieur le Président, parlez aux Gilets jaunes. Ne vous cachez pas à l'Élysée. C'est la réaction de Marine Le Pen après le discours d'Édouard Philippe. Le Premier ministre a tenu cet après-midi un discours devant les députés à l'Assemblée. Une allocution qui se déroule suite aux mesures annoncées hier. L'objectif du gouvernement, mettre un terme à la crise politique de ces derniers jours. Le Premier ministre s'est prononcé sur la fiscalité écologique et ses conséquences sur le pouvoir d'achat. Durant son discours, Édouard Philippe a annoncé que le gouvernement renoncera à la hausse des taxes carburant s'il ne trouve pas de bonne solution au bout de 6 mois de négociations. Durant son allocution, il a expliqué qu'il ne craignait pas le débat sur l'efficacité de la réforme de l'impôt sur la fortune. Un bilan d'experts devrait se tenir en 2019 pour débattre. À propos des manifestations gilets jaunes qui se dérouleront samedi, Édouard Philippe l'affirme, le gouvernement sera intraitable face aux casseurs. Après la manifestation violente de samedi dernier, 13 personnes, dont un mineur, sont inculpées après le pillage de l'Arc de Triomphe. Les casseurs ont dégradé et volé des objets de valeur exposés dans le monument parisien. Parmi les suspects, 3 sont placés en détention provisoire. Les 10 autres sont libres avec une mesure de contrôle judiciaire. Ils pourraient avoir l'interdiction de paraître dans la capitale et des obligations de pointage. Perturbation technique cet après-midi sur Facebook. Les problèmes sont signalés en Europe. Les utilisateurs du réseau social sont victimes d'une déconnexion forcée. Ils ne peuvent ensuite plus réactiver leur compte. L'entreprise travaille pour rétablir la faille. Fin de la 16e journée de Ligue 1 en football. Paris affrontera Strasbourg ce soir. L'année dernière, les hommes de Thomas Tourelle n'ont pas réussi à battre les Strasbourgeois. Les Parisiens joueront à l'extérieur du stade de la Méno ce soir à 21h. Température toujours très douce aujourd'hui. À l'ouest du pays, le ciel est pluvieux. À l'est, quelques éclaircies font leur apparition. Les températures se situent entre 8 et 18 degrés. Il fait 16 degrés à Lyon, 13 degrés à La Rochelle, 8 degrés à Dijon et 11 degrés à Amiens. Tout de suite, retrouvez Alice et toute son équipe dans leurs médias sur Sudekweb. Merci beaucoup, Tony Boulanger. L'état du trafic en Ile-de-France et dans les transports en commun avec vous, Daniel. Studec, l'infotrafic. Et on constate 164 km de bouchons cumulés, ça commence à se remplir dans les routes parisiennes. Sur le périphérique intérieur, des difficultés de Porte d'Auteuil à Porte de la Villette notamment. On constate aussi sur l'A1 vers province un véhicule léger en panne, c'est un accident corporel ralentissé. Aussi sur l'A86 extérieur de Maison Alfort vers Saint-Maurice, au croisement de l'A4, un véhicule léger plus une moto impliquée. Et pour finir, du côté des transports en commun, eh bien, tout va bien contre toute attente. Bah, tant mieux, hein, des gens qui rentrent dans les transports, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Merci beaucoup, Daniel. Vous noterez que je vous ai fait grâce de l'accent belge pour l'infotrafic. Prochain point complet sur le trafic et l'info à 17h. Tout de suite, c'est Alvaro Soler qui arrive avec la Cintura sur Sidek Web. Merci d'être avec nous. Brilla como el sol, su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. ¿Por qué no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más? Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, mí como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura, j'arrive pas à me lasser de cette chanson, elle me rappelle cet été, c'était Alvaro Soler, La Cintura sur Studek Web. Ah là là, il y a vraiment rien à la télé, c'est chiant. Ah mais attends, il y a Zap TV sur Studek Web. Vous voulez savoir les grands moments que vous avez manqués à la télé? Je vous fais un récap dans le Zap TV. Hier soir, dans La France, un incroyable talent, on a eu le droit à la performance troublante du sosie vocal de Johnny Hallyday, écoutez. Je ne veux plus voir ton image dans tes yeux. Et déjà mes gènes s'envers le jour. C'était ma peine pour ça de l'amour. J'ai refusé. Les princes et les princesses de l'amour sont de retour sur W9 et on a eu droit à une belle leçon de géopolitique de la part de l'une des candidates. Ça y est, les deux premières princesses arrivent dans la ville de l'amour. On décide de faire une grosse session shopping parce que Barcelone c'est quand même une capitale. Non, c'est pas une capitale. Merde, c'est Barcelone la capitale d'Espagne. Bon, bref. J'adore cette boutique. Bon, les princes et princesses de l'amour, à leur habitude, hein, fidèle à leur culture. Oui, non tout à fait. C'est des puits de science. Vianney était à l'invité de Daphné Burki sur France 2. André Manoukian nous a préparé une petite balade. C'est lui qui va être en train de jouer de la musique. On parle pas de sexe et tout, là, on fait pas... Moi, je veux dire, après... Je vous dis la vérité. De votre émission, ça fait des jours qu'on en parle. On est peut-être ils vont nous parler cul et tout. Et là, c'est la déception. Mais non, c'est d'appuyer sur le bouton. Et on y va. Alors, Vianney, c'est drôle. Alors, j'ai une question. Vianney, est-ce que vous avez déjà fait l'amour sur un de vos titres? En même temps, c'est drôle si vous entendez « T'es où? T'es pas là ?» Et tu dis « Mais si, je suis là !» À venir dans quelques minutes à la télé ce soir. Hey, salut, c'est Nathan. Retrouvez-nous de 14h à 15h sur Studek Web demain avec toute l'équipe du coup de boost. Il y aura Axel, Mathias. Axel, tu fais quoi là? Tu es en train d'enregistrer sans moi? Ben non, pas du tout, pourquoi? Mais t'imites ma voix, Axel? Axel, il est où Mathias? Mais justement, c'est la question que je me posais. Bah, tu sais quoi, je vais le chercher. Vas-y. Rendez-vous demain de 14h à 15h sur Studek Web. Alors Mehdi, qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé ce soir? Eh bien écoute, à la télé, ça va être assez diversifié. Sur TF1, la série La Vérité sur l'affaire Harry Kébert, adaptée du roman du même nom de Joël Dicker. Ce soir, deux épisodes inédits de la saison 1. Un téléfilm policier sur France 2, ça s'appelle Mystère à l'Elysée, et ça va vous plonger dans une affaire de mœurs se déroulant dans les murs du palais d'Elysée. Pour faire le plein de sensations et de suspense, il faudra regarder la deuxième chaîne. Suite aux événements de samedi dernier, M6 bouleverse tous ses programmes de ce soir pour une émission qui s'appelle Dossier Tabou, et c'est une spéciale Gilets jaunes avec une enquête complète sur les événements qui enflamment la France depuis maintenant plus de 3 semaines. Et puis, un documentaire, Les Bronzés, les secrets de 40 ans d'amitié et de succès, retraçant les aventures folles de cette équipe en club de vacances. Une petite bande-annonce, juste pour le plaisir. Un nouveau type de film qui s'appelle le film inusable. On va vraiment pas avoir le même sens de l'humour. Hein. Génération après génération, c'est partie de l'album de famille. C'est moi là, mais non ! Pouvoir vieillir dans un personnage que vous avez créé quand vous aviez 25 balais. Je nage dans le bonheur. C'était extraordinaire. Je me suis dit qu'il y ait 3827 kilos de bronzes. C'était fantastique, ça a changé notre vie. Quoi. Après le 2, on a dit on fera jamais le 3, donc j'ose plus dire qu'on fera pas le 4. Des révélations exclusives dans un doc inédit. C'est ce soir en plus et c'est sur C8. Sur TMC, pas le Burger Quiz qui est présenté par Jérôme Commander et Manu Payet. Et c'est l'équipe qui de l'équipe Ketchup ou Mayo va gagner. Bah ça va être la réponse ce soir. Disparaître de la circulation et partir en cavale sans être attrapé par des enquêteurs. Télé, la nouvelle télé-réalité d'RMC Découverte. Maxime, Jean-Philippe, Emeline, Richard, ils ne sont plus que quatre fugitifs face à un QG aux abois. Quand on n'a plus aucune piste dans une affaire, on reprend tout à zéro. Sur qui allez-vous miser ? Maintenant que Jean-Philippe est tout seul, la tentation, ça va de revenir dans la zone de sécurité. Dernier coup de poker. C'est risqué. Il faut filocher Maxime. On va rester en plan. C'est maintenant qu'il faut surtout ne contacter personne. Là, vous serez à l'abri. Hein. C'est parfait. Ultime coup de bluff. Il faudrait vraiment que ça morde. Rapprochez-vous de la zone d'exfiltration. Je pense que l'avantage est pour nous aujourd'hui. La fin de l'aventure approche pour les derniers candidats d'Escape, 21 jours pour disparaître. Et enfin, pour les amoureux de football, sur Canal+, retrouvez le match de Ligue 1 opposant Strasbourg face au PSG. Allez, on va faire un petit tour de table. Qu'allez-vous regarder ce soir à la télévision? Daniel, tu vas regarder quoi? Alors moi, je vais regarder Burger Quiz hein, sur TMC, parce que bien qu'Alain Chabat soit parti, moi je pense que ses remplaçants sont tout aussi à la hauteur que lui. Bon, ce sera jamais aussi bien du grand Chabat qu'avec lui, mais Jérôme Commander et Manu Payet devraient être à la hauteur. Ils ont le même humour, ça peut le faire. Ok, et toi t'es plus équipe Ketchup ou Mayo? Oh bah Ketchup. Bon, c'est indéniable. Alice, tu vas regarder quoi ce soir à la télévision? Alors moi aucun rapport, je compte regarder Dossier et Tabou sur M6, une émission spéciale Gilets jaunes. Tu vas te renseigner du coup sur l'actualité pour en apprendre exactement, plus. Exactement, j'ai envie d'en apprendre un peu plus et un peu plus en profondeur. Et bah t'as bien raison. Quant à moi, je vais regarder Escape 21 jours pour disparaître, parce que c'est une télé-réalité qui est plutôt surprenante. On avait l'habitude de voir des gens enfermés dans une maison pendant quelques mois et enfin en train de vivre tout simplement. Et là en fait, bah il y a un challenge, il y a un jeu, il y a un but. Et je trouve ça très sympathique et j'ai envie de regarder cette fin de série, enfin de télé-réalité ce soir sur RMC Découverte. Et vous aussi, dites-nous ce que vous allez regarder sur les réseaux sociaux en réagissant avec le hashtag Studec1617. Alice ? Oui, alors tout de suite, c'est le blind test des génériques. Ah, on va jouer alors ? On va jouer, tout de suite on joue. Alors, vous allez devoir deviner quel générique je vous passe. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. On va essayer de reconnaître. Je pense que j'ai la réponse. Hein. J'ai la réponse, mais il y a Daniel, non, je laisse quand même l'honneur à Daniel peut-être de alors, me dire quelque non, chose. J'aurais préféré que tu ne me laisses pas l'honneur. Petit moment gênant pour Daniel. Moi, je pense que c'est affaire conclue sur France 2. C'est bravo, Mehdi est incollable. Ah, merci bon, Alice. J'en ai un petit. Congrats, Mehdi. J'en ai un petit deuxième. On va voir si Daniel est aussi fort que Mehdi. Facile. Moi, je dirais que c'est Daniel, t'as une réponse ou pas? Alors je sais, enfin, je l'ai en tête. Tu la connais forcément, elle est mythique. Elle était avant sur TF1 si je me souviens bien. Maintenant c'est sur France 2 et France 4 avec Laurent Ruquier, c'est les enfants de la télé, non? Bravo, rien vous cacher décidément les gars. Alors, petit troisième hein, parce que là, jamais 203. On s'en fait un petit troisième pour ben la allez, route. Allez. Moi, je crois que ça serait pas Slam. Alors là, vraiment. Il est bien informé. Pourtant, c'est toi qui as fait le jeu, Alice. Hein. Oui, je sais, mais là, je me perds un peu. Oui, alors. Oui, voilà, c'est Slam. Mais, alors, est-ce qu'en région, on nous dit que c'est Slam ou pas? Oui, c'est Slam. Oui, c'est Slam. Si je dis que c'est Slam, c'est Slam. Non, on vient de me dire dans le casque, apparemment, c'est Les Amours. Les Amours animés par Bruno Guillon maintenant sur France 2. Ah oui, bah oui. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas. Bah alors Alice, t'as perdu ta fiche. Oui. Ça arrive, c'est pas grave. Beaucoup de choses. C'est pas grave. Allez, un petit quatrième. Pas de quatrième. Alice, on enchaîne. Oui, bah écoutez. Qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? On va retrouver Stéphane. Dans salut son émission. Tout salut, salut Steph, ça va? Écoute, ça va super. Ouais, on arrive là tout de suite, là dans 5 minutes. Dis-moi, avec le GPS. Dans le Grand Prime Studio, il va y avoir quoi aujourd'hui? Eh ben écoute, comme d'hab, on va jouer au jeu de la marche arrière. On essaiera de faire gagner un auditeur. Le cadeau, il reste le même, la visite de Studek Web. Et bien que tu me fasses la visite, un de ces quatre ou pas? Je te ferai la visite, Mehdi, si tu veux. À côté de ça, il y aura aussi Bilal qui nous a choisi un vinyle. Cette fois, il n'est pas allé chercher très très loin. On verra de quoi ça parle. Et Baptiste, de son côté, qui a trouvé des bons plans voyage, là, si vous voulez partir en week-end, le temps d'un week-end, tout simplement. Bah écoute, j'espère qu'on partira en week-end alors. Ah, on partira ensemble, Mehdi. Merci Stéphane, écoute, on a hâte d'écouter ton émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Mehdi. Merci Daniel. Avec grand plaisir Alice. On se retrouve demain. Cette nuit, eh ben oui. Intenable insomnie. La folie me guette. Je suis ce que je fuis. Je subis cette cacophonie qui me scie la tête. Assommant harmonie, elle me dit tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. On traîne ses chaînes, ses peines.